ozali mama ya solo yango tobengi yo nguli l'expression de nos amours associés mon père Si toujours peine à papa maman tout fidèle que je n'ai pas dit que aux annonces à l'enfant. Papa dans la cage, mais les peines maman papa son attaquant. Adam Bomboli. Nicolas le dit babou la maman quand je t'ai fait maman a balayé banano malola yoku. Maman a balayé qui va faire la bataille mon colomate. Maman a balayé qui a ta papa la l'enfant. Oh maman. Margo Ibarra, Oui. se rend notre vie s'appelle Rudy. Je redis qu'il aurait Christophe Antonella. Junior, yes, c'est une grande mort, mais là, il dit de Alexandre von Sioen, Sophia, et Bimbéré. Jacques Hereda, Randy Anaïs, Wilma Sandra. Na basolo na bakusa bandi. Mm. Ndi ala